Bonjour à toutes et à tous. C'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM que j'ai intitulée aujourd'hui « La politique autrement ». On le répète, on le rabâche à longueur de bulletins d'information, entre amis. Les Français en ont marre de la politique. Mais n'y a-t-il pas plutôt un ras-le-bol de toutes celles, ceux qui font de la politique leur chasse gardée au seul bénéfice de leur parti, de leur idéal, sans se soucier de l'intérêt des citoyens. Celles et ceux qui n'hésitent pas à faire reculer les acquis sociaux du plus grand nombre et servent les intérêts des puissances économiques dans une Europe ultralibérale qui déçoit les peuples qui la composent. Les futures élections européennes risquent d'être décevantes pour celles et ceux qui croient encore à un projet européen cohérent et porteur d'avenir au service des citoyens européens. Mais y a-t-il une véritable citoyenneté européenne? La question doit être posée. Et non au service des lobbies économiques et financiers, faut-il ajouter. En France, la politique telle qu'elle est pratiquée s'éloigne de plus en plus du citoyen. Mais n'est-ce pas justement une volonté politique de nos dirigeants d'éloigner les centres de décision de la population, supprimer les services publics, surtout si l'on vit en dehors, bien sûr, des grands centres. Il faut bien le constater, la loi dite « NOTRe » a restructuré et continue de restructurer le pays en créant des entités dans lesquelles des citoyens, devenus en quelque sorte de seconde, de première, seconde, voire de troisième zone, comme celle des campagnes éloignées des grandes métropoles, pour ne pas dire des mégapoles. S'il faut définir ces deuxième et troisième zones, il suffit de se pencher sur la carte économique du département. Département des Vosges, bien entendu, pour mieux les serrer. En dehors d'un axe Épinal-Nancy, il reste les territoires plus ou moins défavorisés, dévolus à l'agriculture et ou au tourisme, où l'industrie disparaît peu à peu, avec une population qui vieillit, des jeunes qui s'en vont, surtout s'ils ont une compétence à vendre, le travail étant une denrée rare, les salaires bas, dans certaines régions du département des Vosges, dont la partie montagne, avec souvent une exploitation éhontée de leur force de travail. La recentralisation vers des grandes régions et des grandes com-com a encore davantage dégoûté les citoyens de la politique en contribuant à les éloigner des centres de décision, la plupart du temps contre leur volonté. Il suffit d'examiner les sondages en la matière. Au cours d'une de mes dernières chroniques, je parlais du découragement des maires, pour ne pas dire de leur écœurement, face au mépris du pouvoir central et du manque d'écoute de nos gouvernants. Mais là encore, ne faut-il pas se poser la question de la volonté politique de gouverner contre le plus grand nombre de citoyens, sachant que les 10 citoyens devront choisir entre le pire et le moins pire pour leur futur, et d'aller ou non aux urnes dans le plus grand désenchantement face à une pratique démocratique biaisée. Je voudrais me référer à Michel Onfray, lorsqu'il évoque dans son livre « Décoloniser les provinces » le modèle jacobin français pour le critiquer. Et je me permets de citer quelques phrases de la préface de son ouvrage. Vous l'avez deviné, j'admire beaucoup ce philosophe et son franc-parler, son érudition également. Aussi, même si je ne suis pas toujours en accord avec un certain anarchisme positif prôné par lui, Michel Onfray, dans son livre, dans sa préface, « Décoloniser les provinces » et, comme son sous-titre l'indique, « Ma contribution à toutes les présidentielles ». C'est le premier volume d'une trilogie. Les ouvrages suivants seront « La cour des miracles », « Carnet de campagne », puis « Zéro de conduite », « Carnet du désastre ». décoloniser les provinces propose d'en finir avec le modèle jacobin, centralisateur et parisien, parce qu'il a montré ses limites. Voter aujourd'hui, c'est choisir les modalités de son aliénation. On peut ne pas vouloir trancher entre la peste et le choléra, car il existe une façon de se sortir de cette mécanique démocratique lavée, épuisée, éreintée et confisquée par les professionnels de la politique. L'avènement du citoyen actif, le mandat impératif, le communalisme libertaire, l'autogestion sur le terrain, ce que Proudhon nommait l'anarchie positive, parce que concrète, constructive et pragmatique. C'est une esquisse. La Cour des miracles, elle, sera un enjeu de chamboulement qui prend la forme d'une chronique de cette campagne présidentielle, de ces campagnes présidentielles plutôt, où il est question de tout, sauf de l'essentiel. La souveraineté, l'identité, le destin, la vision, la civilisation, l'histoire. J'ai voulu, dit Michel Onfray, un exercice d'écriture bien français qui mélange l'ironie et le persiflage voltairien. Le coup du portrait psychologique des moralistes du grand siècle. La chronique de cour saint-simonienne et la libre prume camusienne. Cette chronique s'arrêtera avec le nom du successeur de François Hollande. Voilà quelques phrases de la préface du livre que j'ai commencé à lire. Je n'ai pas fini de le lire, à vrai dire, mais on profite de jours pluvieux, justement, pour en parler, de Michel Onfray, « Décoloniser les provinces ». Et puis Michel Onfray, et puis moi-même, je citerai Nietzsche. « Il y a quelque part encore des peuples et des troupeaux, mais ce n'est pas chez nous, mes frères. Chez nous, il y a des États. États ? Qu'est-ce que cela ? Alors, ouvrez les oreilles, je vais vous parler de la mort des peuples. L'État, c'est le plus froid des monstres froids. Il ment froidement, et voilà le mensonge qui rampe de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. C'est un mensonge. Ils étaient des créateurs, ceux qui créèrent des peuples, et qui suspendirent au-dessus des peuples une foi et un amour. Ainsi, ils servaient la vie. Ce sont des destructeurs, ceux qui tendent des pièges au grand nombre, qui appellent cela un État. Ils suspendent par-dessus d'eux un glaive et sans appétit. Et sans bien sûr, de le sens du nombre. Partout, il y a encore du peuple, il ne comprend pas l'État. Et il le déteste comme le mauvais œil et une dérogation aux coutumes et aux lois. Voilà, Michel Onfray cite Nietzsche, ainsi parlait Zarathoustra, de la nouvelle idole. Voilà, de quoi méditer au cours de cette journée, sur la démocratie locale en particulier. On en reparlera parce que ça peut bientôt être la rentrée politique, la rentrée sociale. Et donc, on aura l'occasion quand même de découvrir à travers les acteurs de terrain ce qu'il se passe sur notre territoire et comment qu'on peut exercer une démocratie locale. Voilà, bonne journée à toutes et à tous et à jeudi prochain si tout va bien.